Je suis de retour. Je pense que, ouais, je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Mon ordinateur, il est branché, puis ça a coupé d'un coup. Fait que probablement, ouais, il y en a qui veulent nous faire chier, là. En tout cas, c'est plus vers moi. On se croirait en Russie ou en Chine. Y a-t-il une différence tant que ça? Je parle à part que on nous fait un théâtre comme quoi c'est nos ennemis, là. Ça va pas tarder. Bon. Ah, je me souviens même plus que ce que je disais. Mais il y en a, vous vous sentez pas affecté par la politique. Ça vous dérange pas que vos vies, carrément, votre qualité de vie, soit jouée au casino par du monde qui ont la prétention qu'eux autres, ils ont l'importance suffisante pour être capables de gérer vos vies à votre place. En ce moment, la pénurie qui est créée artificiellement pour faire monter les prix des médicaments pour les tout-petits, il y a des enfants, ils vont avoir des otites puis des choses extrêmement souffrantes. Pourquoi? Pour que des ostines mangent une marde puissent faire de l'argent. Ça vous met pas le feu, ça, nulle part. Si on était un petit peu plus affecté réellement par le fait que la politique, bon, ben, peut-être que ça serait impossible, ça, si le monde était un petit peu plus affecté. Parce que là, plus tard, ça ne sera pas le temps, là, quand vous allez être avec vos coupons qui vous donnent droit à avoir un quart de livre de viande, puis un once de farine, puis vous allez faire la queue, là, comme dans le temps en Pologne, là, le monde faisait la queue pour avoir une patate. Ça sera pas le temps, là, d'être affecté. En tout cas, c'est là, puis oui, ça va. Rebonjour déjà, dans la première live, à se liser les commentaires. Je ne les ai pas vus. Mais déjà, ouais, bonsoir à tous. Si ça dérange, mais j'essaie de plus me laisser affecter. Je vois ça comme des attaques de l'astral. C'est plus que ça, là. Je veux dire, c'est quoi être astralisé? C'est se faire attaquer sans être affecté, puis se laisser faire. Dans le sens que, pas comme ce que je viens de faire là. Oui, j'ai arrêté une procédure, mais ça veut pas dire que, bon. Mais ils sont sous hypnose. Ben oui. Mais regardez, là. Juste ce qu'ils sont en train de faire, de créer artificiellement une pénurie de certains médicaments pour les tout-petits, pour que des gens puissent faire de l'argent. Juste ça vous met, ça vous affecte pas? Je veux dire, quand j'étais petit, j'avais des otites de répétition toujours dans l'oreille droite. Puis finalement, ben moi, ça me choque. Il y a des enfants qui vont souffrir. Pourquoi? Pour que des ostines mangent une marde, qu'eux autres, ils ont accès à des médecins privés, puis qu'eux autres, leurs enfants, il n'y a pas de trouble, là. Ils vont aller étudier dans des collèges privés, puis dans le fond, le système, c'est pour la plèbe, c'est pour les petits peuples. En tout cas, c'est votre affaire, si ça ne vous affecte pas. Moi, je vous dis que si les gens, si la population en général était plus affectée par la politique, qu'elle voyait plus clairement ce qui se passe, ce serait impossible. Voyons pourquoi j'ai ça là, qui apparaît. Mastiquer la notification. Bon. Prenez juste YouTube. YouTube, l'affaire. À chaque fois que je fais un live ou à chaque fois que je publie une vidéo, il me demande de cocher si c'est pour les enfants. J'ai-tu l'air d'une drag queen? Ça ne doit pas être pour les enfants ce que je fais, sinon je serais bien plus malsain que ça. Juste ça, il y a de quoi qui ne marche pas. Parce que ce n'est pas intelligent, ce n'est pas ergonomique de la façon que les données sont traitées et qui sont faites. J'ai-tu l'air d'une chaîne pour enfants? Je devrais, quand j'ouvre une chaîne, pouvoir cocher si je veux faire des vidéos pour les enfants ou pas. Je veux dire, il y a de quoi qui ne marche pas, là. En tout cas, si bien sûr que ça. D'après moi, ils te surveillent plus si tu coches que ce n'est pas à l'attention des enfants. Que ça dérange. Le voir, le vivre, le subir, mais à part faire quoi? Colère, allons-y, mais sur le front, alors, ben même pas. Quel front vous voulez faire? Je veux dire, juste de dire quelque chose, c'est une victoire, tant qu'à moi, là. On est tous en train de se réveiller en train de se réveiller de toute façon. Pas le choix, car la planète est en train de se secouer, moi. Je veux pas. Ce n'est même plus de la politique que du spectacle. Sauf qu'ils ne mettent plus d'efforts pour le cacher. Ben, ils n'ont jamais mis. Moi, je n'ai jamais vraiment vu d'efforts pour le cacher. Ils cachent leurs cochonneries. Ils cachent leurs affaires. Prenez, là, quand que Bourassa il est allé à l'Assemblée nationale là, la dernière fois, puis c'était pour l'ensemble de son œuvre, puis tout, là, parce que supposément qu'il avait le cancer de la peau. Ben oui, méchant cancer de la peau. Les mélanomes, c'est pas supposé se promener. En tout cas, ça, ils mettent de l'effort pour cacher des gens, ils le font mettre encore plus bas que les genoux pour qu'ils comprennent la situation actuelle. C'est ça l'affaire, c'est que pour intégrer de la conscience par rapport à ce qui se passe, il y en a, il va falloir qu'ils se ramassent avec quasiment leur bébé mourant dans les bras. Parce que. Puis bon. Puis ils vont se faire dire, c'est la faute à personne. C'est comme ça, on est dans une situation critique. Ben oui. On ne l'a pas su d'avance que des gens, ils le font mettre encore plus bas que OK. Moi, ça me motive pour voter encore plus. Ben oui, mais moi, ben mettons, je décide, je vote pour qui, moi, là? Je peux pas voter pour personne. Il n'y a personne qui me représente. Puis c'est une démocratie représentative qu'on a. Donc, je peux pas voter, je ne saurais pas pour qui voter. Je veux dire, vous voulez voter pour quoi, là? Prenez l'Union nationale, ça existe encore, leur site est rempli de fautes. Il y a tué trois, quatre bonhommes. Puis là, ils ont un nouveau chef par intérim qui était dessus de bah. Puis finalement, ça sert à rien, Chris. Franchement, là, ça a toujours été caché, ce qui doit être dévoilé et caché. Moi, ouais, mais c'est pas ça va se dévoiler maintenant. J'ai voté en France, mais mon vote n'a rien changé pour autant. Ben, c'est ça. Bonjour, Lorine. Le film était meilleur avant. Adolphe avait une certaine envergure si on compare à Trudeau, moi. Ouais, c'est parce qu'on tombe dans des affaires. Ben là. En tout cas, mais contrairement à Adolphe, je pense que Trudeau serait capable de nous chanter au complet HIMS Pinafore. On joue à tous les rôles. Mais bon, ça serait moyen comme prestation, mais il est capable de le faire. D'après moi, il connaît cette opérette-là par cœur. Mais même blanc, c'est faux. Même blanc, c'est faux. Voter pour des fantoches, même. Fantoche, c'est quoi un fantoche? C'est quelqu'un qui est une mascotte, si vous voulez, vide. C'est quelqu'un qui ne gouverne pas réellement, qui est là pour servir d'image de gouvernement, mais qui n'a aucun pouvoir, puis c'est d'autres mondes qui gouvernent. C'est ça un fantoche. Mon commentaire était volontairement tabou, moi. Voter pour le moins pire, ben oui, mais c'est parce que peu importe pour qui vous votez, c'est les mêmes qui mènent. Je veux dire, le pire va arriver pareil, là. Donc, fantoche, fantôme. Pour quelle raison, eux, ils nous imposeraient. Qui voter, ça veut dire le peuple, c'est pas le droit de choisir qui voter. Ben, la démocratie est pas réelle, dans le sens qu'elle n'a jamais été appliquée réellement en Occident. Puis même la démocratie dans l'Antiquité, c'était pas comme on nous l'avait. C'est-à-dire que c'était le pouvoir au peuple, mais c'était le peuple qui avait une certaine strate de la société. C'est-à-dire, pour avoir le droit de vote dans l'Antiquité, il fallait être citoyen. Pour être citoyen, il fallait être propriétaire terrien. Donc, les esclaves n'avaient pas le droit de vote, les employés n'avaient pas le droit de vote s'ils n'étaient pas propriétaires. Puis c'est ça leur démocratie, c'est-à-dire c'est une caste qui gouverne dans le fond. Puis bon, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a qui ont voulu polariser ça puis ramener d'autres choses, comme le marxisme par exemple, avec son idée de lutte des classes. Mais c'était encore. Ça a été financé par les mêmes, dans le fond. Puis Karl Marx faisait partie d'un groupe de gens qui étaient initiés, qui étaient des élèves d'une dame qui était assez calée en magie. Ben là, je veux pas tomber là-dedans, mais il reste que c'est pas vrai que c'était athée. C'est pas vrai qu'il était athée. Quand son fils écrivait à son père, le fils de Karl Marx, il l'appelait mon cher diable. Je n'ai pas voté pour obtenir un résultat, mais plus pour accepter de faire partie de ce monde et lancer un message dans l'invisible. Moi, ouais, mais vous faites partie du monde, que vous le vouliez ou pas, que vous donniez votre consentement ou pas. Si demain matin, l'État décide que ça prend des coupons pour vous nourrir, vous n'aurez pas le choix. À moins d'être bien créatif, mais même là, regardez, moi, je viens d'une vieille lignée. Qui en France, sous Louis XIII, c'était un de mes ancêtres, il était, lui, garde de chasse général. Donc, lui, en tant qu'autorité, il avait le droit de vie puis de mort sur les gens. Puis quand quelqu'un faisait du braconnage, comme il tuait un cerf ou un lièvre, la punition à l'époque, c'était vous deviez manger votre proie au complet. Imaginez, là, manger un cerf au complet avec les sabots puis les poils, puis c'est impossible. Les gens, ou manger un lièvre complet, cru, les gens en mouraient. Les gens en mouraient. Puis, bon, je ne peux pas dire que je suis très fier de descendre d'une lignée qui a fait appliquer des lois comme ça, mais il reste que, qu'on le veuille ou pas, on fait partie d'un système. Mais là, c'était à eux, c'était à lui de ne pas accepter ce système-là, mais ça venait avec ses charges, puis bon. Fait que ça a fait une lignée de militaires. Puis finalement, bon, à un moment donné, un dans la lignée est un petit peu plus intelligent, puis lui, il a décidé d'être simple laboureur. Bon, au lieu d'avoir des titres, puis de porter des perruques à grappes, puis à un moment donné, ça va faire. C'est inacceptable. Tu sais, je veux dire, la nourriture, là, je veux dire, les gens auraient dû avoir le droit de braconner, dans le fond. Quand c'est pour nourrir ses enfants, puis ben non, c'était automatique, tu vas manger ta proie au complet, puis les gens mouraient. C'est inhumain, puis c'est vers ça qu'on s'en retourne. Je veux dire, ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Il me semble que vous avez dit un jour que le désir de parler avec d'autres était spirituel. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Je ne me souviens pas d'avoir dit ça. Si vous avez une volonté d'échanger, là, ce n'est pas spirituel, mais si vous avez le désir. Le corps de désir, c'est ça. Dans le sens que, bon, ça amène de la souffrance. Comme les bouddhistes disaient, l'existence, c'est de la souffrance. Puis le désir engendre de la souffrance. Ben oui, mais aujourd'hui, on ne devrait pas être impressionné par ça. Je veux dire, c'est des évidences. Il n'y a pas de moins pire, une jambe, un bras, un genou. C'est des membres d'une même puissance, moi. Il est temps que tout se casse, se détruise et tadam, ben oui, mais c'est ça le plan. Pourquoi ils ont là build back better? Tu sais, on va reconstruire en mieux après. Ben, c'est parce que ça fait partie du plan, ça, que tout se casse. L'affaire, c'est qu'ils sont en train de négocier leur privilège dans le monde nouveau d'après. En tout cas, attendons que. Ça se dégrade au max, quelque chose en émergera. Rien ne sert de se battre maintenant, c'est trop fort le mouvement négatif. Gardons nos énergies pour en émerger et intégrer. Ouais, mais il faudrait se servir du négatif aussi. C'est noble comme loi. Ça dépend de quoi vous parlez, là. Bon, vous êtes revenu à Alice Monde, je pense. Vous me disiez que vous perdiez votre temps. L'importance de savoir si on est allé sur la Lune ou pas, c'est de démontrer à quel point on peut se faire mentir mondialement comme tant d'autres gros mensonges. Oui, mais c'est parce que pendant qu'on débat de mensonges qui se passent sur la Lune, on débat pas des mensonges qui se passent là dans notre cour. Ça, c'est une vieille stratégie pour détourner l'énergie du monde. Parce que c'est tout le temps ça, c'est de capter puis de donner une direction à l'énergie des gens. Ça a tout le temps fonctionné comme ça. C'est pour ça que moi, j'en ai absolument rien à foutre de la Lune. Qu'est-ce que vous voulez? La Lune, elle m'intéresse en tant que force psychomagnétique. C'est tout. Qu'on soit y aller dessus ou pas, ça ne change rien. Malgré toute la richesse de notre planète, on est depuis toujours esclaves. Ça ne change pas des siècles. Les rois, ça reste des rois. Et voilà. Ben oui, mais regardez, c'est parce qu'on a changé les noms. C'est ceux qui contrôlent le langage qui gouvernent. Je veux dire, on a changé. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça des rois. Il agissent exactement de la même façon. Emmanuel Macron, vous voulez voir ça comment? C'est un héritier, oui. Je veux dire, c'est la marionnette de Jacques Attali, qui est le maire du palais, dans le fond. Vous vous souvenez, dans le temps, là, le maire du palais, à l'époque en France, il y avait les rois chevelus qui tenaient leur autorité de leurs longs cheveux. À un moment donné, il y a un des maires du palais, il a dit, bon, ben, ça fait des générations que c'est nous autres qui gouvernons les maires du palais, puis le roi, il est temps de, bon, puis il a coupé les cheveux du roi devant tout le monde. Mais tout ça venait de loin. Pourquoi Samson? Pourquoi Samson avait les cheveux longs? Malgré toute la richesse de notre planète, on est depuis toujours esclaves, ça change pas des siècles. Les rois, ça, oui, ça, je l'ai lu, l'illusion totale, ben oui, la loi du négatif. La loi, là, est non polarisée. Puis si on intègre du systémique, le négatif puis le positif, c'est... Il n'y a pas de différence tant que ça, là. Il y a moyen de se servir du négatif. Ou si vous voulez, ça revient à... En tout cas. Macron, petit roi. Moi, ben oui, puis... Je veux dire, c'est vraiment un roi dans le sens fantoche, là. Comme quand les Japonais, ils avaient conquis une partie de la Mandchourie, sont allés chercher Puyi, qui était le dernier des... Le dernier empereur, puis ils ont dit, bon, ben, toi, t'es empereur du Manchukuo. Ben, tout le monde, je veux dire, il y a juste lui qui était dupe, là. Ben, je veux dire, bon, ben, dans le fond, Macron, c'est un roi au sens de comme Puyi au Manchukuo. Puis, en tout cas, il y avait même organisé, il y avait eu une rencontre, je sais pas si c'est vraiment arrivé, mais c'est rapporté, entre Hirohito puis Puyi. Puis qui avaient sympathisé ensemble parce qu'ils avaient à peu près le même âge. Mais c'était deux fantoches. Les deux, Hirohito, c'était un tata. C'était un crétin. Et je veux dire, il était tellement. C'est des consanguins, surtout aussi. Toutes les, des fois, je me demande si certaines règles par rapport à la lignée n'ont pas été créées pour que justement les vrais gouvernants aient des fantoches faciles à manipuler. Prenez Charles III, le roi Charles. Il n'y a personne qui. Oui, il est ami avec Davos, puis tout, puis il chapeaute certaines choses, puis tout, mais c'est un fantoche, lui aussi. C'est du monde très limité. On va dire ça comme ça. On nous prépare une vie. Une vie en réalité virtuelle, un deuxième astral superposé au premier. Où vous parlez de métaverse, puis ces affaires-là. Vous savez, là, on va toujours arriver à la réalité que ça prend de l'énergie, hein, pour entretenir comme le métaverse puis ces affaires-là, là, ça prend de l'énergie, ça prend des supports. Je veux dire, c'est un virtuel qui n'a pas le choix d'être supporté par du réel puis du concret. Donc, la guerre de l'énergie, on va l'avoir de plein fouet pareil, parce que du virtuel, il n'y en aura pas, sinon. Même si vous passez tout votre temps branché avec une puce dans le cerveau, puis ça va prendre quand même de la nourriture, ça va prendre quand même. Il faut que la machine biologique, même si on devenait totalement mécanique, on n'échappe pas à des lois comme ça. Le négatif n'est pas pénétrable, hors astral, apparemment. Ça dépend là, de quoi on parle. On se sert de tout ce qu'il y a de pénétrable pour y faire entrer de l'astral moins. Même là, ça dépend de votre définition, là, parce que l'astral, ça peut être bien large. Les décideurs sont tous à la même place pour les funérailles. Être à la place de Poutine, j'en profiterai maintenant moins. Moi, Poutine, je considère bien de valeur, mais je considère qu'il fait partie d'une pièce de théâtre. Puis que là, ça leur prend une guerre. Puis c'est Poutine qui va les servir de prétexte. Ça leur prend une guerre, là. Puis ça va être... Bon. Parce que vous pensez vraiment que les sanctions contre la Russie que les Européens ont pris, qu'ils ne savaient pas que ça allait nuire à leur propre économie. Ils ne savaient pas ça, c'est des tatas de la pire espèce. Ben, ouais, bien sûr qu'ils le savaient. Ils ont besoin de notre énergie, sinon ils disparaissent sans nous, moins. Mais c'est pas ça, ils vont presser le citron. Poutine est un young world leader, et voilà. Et voilà, c'est une pièce de théâtre, ça prend un méchant. Puis sur le bord à l'est, c'est nous autres les méchants. C'est Biden le méchant, c'est Kamala Harris, c'est Ursula von der Leyen. Mais c'est toutes des méchants. Toutes. Moi, tant qu'à moi, parce qu'on appelait anciennement la race des méchants. C'est-à-dire, c'est au niveau de leur ADN. C'est du bon, mais ils n'ont pas de conscience, puis ils n'en auront jamais. Puis même Poutine, je suis sûr, jaser en privé avec, il finirait par dire, ben oui, c'est de même, ça marche. Dans le sens que, bon. Ils ont, ben oui. Moyen. Comment on fait pour... Et comment on fait pour te représenter? Ah oui, mais je veux dire, je n'ai pas envie que personne me représente. Je veux dire, la minute que quelqu'un va me représenter ce que je considère comme des vrais intérêts, cette personne-là va être en danger. Je n'ai pas envie de. Oui, ils font tous partie de la pièce de théâtre. Ben oui, en Lorraine, n'a pas le temps de vous lire. C'est quand les élections chez vous? C'est le 3 octobre. Les gentils sont invisibles à l'œil nu. Ça dépend pour l'œil de qui. Les gouvernants occidentaux actuels me font penser aux pirates dans Astérix qui coulent leur propre bateau en blâmant les autres. Ouais, mais le pire, c'est parce que c'est pas leur propre bateau, c'est le bateau des gens. Dans le fond, les pirates là, sont sur des îlots, puis ils donnent l'ordre de s'aborder de loin. Puis c'est pas eux qui vont couler. Faudra ramasser un et le faire parler au moins. C'est parce qu'il n'y a personne qui a le plan complet. Ils ne sont pas si stupides. Si tu relis la guerre de Sun Tzu, lors de la guerre de Sun Tzu, il explique, hein, il faut que personne ait le plan au complet parce que si tu as des espions qui se font ramasser, ben, ils vont se faire parler. Fait qu'il faut que chaque exécutant ait une vision parcellaire du plan. Donc, Poutine, pas sûr qu'il ait le plan au complet. La même façon pour Macron, puis pour toutes les autres, là. C'est justement au cas où d'une affaire de même. Fait que des petits exécutants, c'est choisi parce qu'ils ont l'habilité, ils ont de la déférence, puis ils ont la capacité à obéir sans réfléchir. C'est pour ça que s'ils sélectionnent des psychopathes. Poutine, là, il voulait faire partie du KGB, il avait 15-16 ans. Il voulait, c'était déjà son rêve, faire partie du KGB. Du monde de même, là, c'est parfait. Fait que, en supraconscience, on a une bonne partie du plan. Bon, on peut voir un peu d'avance. On peut voir un peu d'avance. Puis, bien entendu, bon, ben, là, ça va être le contrôle sur. Là, ce qui va s'en venir de plus en plus, c'est ils voudront pas que des particuliers produisent de l'énergie ou de la nourriture. Ça s'en va de plus en plus vers ça. Si ça continue, prenez quand ils ont nationalisé l'agriculture en Roumanie. Quelqu'un qui faisait pousser des patates en cachette, il risquait d'avoir des problèmes. Il était mieux d'être bien caché. Puis pourquoi? Parce que justement, c'est l'État qui veut, qui est censé être nourrici dans un système de total assujettissement. Ils veulent le contrôle sur tout. Si ça continue, ils vont vous taxer l'air que vous respirez. D'ailleurs, Falardeau, il avait, je pense que dans Elvis Gratton 2, il faisait dire à Elvis Gratton, du l'air qu'on respire, il faudrait taxer ça. Il n'y a pas de raison que les pauvres y respirent autant que nous autres. Ben, c'est un peu ça, là. Dans vos audios, vous avez dit qu'il y a des intelligences plus grandes manipulent l'homme. Vous dites aussi que l'homme est plus conscient que celle-ci. Quelle différence entre conscience et intelligence? Je dis que l'être humain est plus grand en potentiel de conscience. La conscience entre l'intelligence puis la conscience. De l'intelligence, c'est bien ben intelligent, mais c'est pas nécessairement conscient. C'est comme prenez un cancer, par exemple. C'est très intelligent, mais c'est pas conscient. Dans le sens que le systémique, il peut travailler contre lui-même parce qu'il n'est pas scient. Il n'est pas conscient. Mais c'est très, très intelligent. Je veux dire, prenez le cellulaire, de la façon que ça se forme, c'est très intelligent. Mais ça a fonctionné par beaucoup de sélection, par autodestruction, justement, parce qu'il n'y a pas de conscience. Donc, c'est ça, là, la différence entre l'intelligence et de la conscience. Dans le sens que le système, il n'est pas scient de lui-même. Il ne se voit pas, ça prend de conscience pour ça. Donc, l'intelligence, oui, qui aboutit au vivant. Mais l'ultime but, c'est justement de la conscience. Il faut que ça devienne conscient. Imaginez, là, les millions d'années que la Terre a passé avec des forces de vie totalement inconscientes. Mais ça prenait, il fallait qu'un jour quelque chose, une créature consciente, le voie. Mais le pire, c'est bon. Ils veulent contrôler les jardins potagers. Ben, d'après moi, oui. D'après moi, oui. c'est tout le temps, ça arrive tout le temps à ça. Prenez, là, regardez la Roumanie comme un laboratoire. La Roumanie de Ceausescu. Regardez aussi la Chine comme un laboratoire. Puis dites-vous que le but de certaines familles qui ont créé la finance internationale, dans le fond, le but, c'est d'avoir le contrôle total sur l'énergie, sur la nourriture, sur tout, l'eau. Pourquoi les Québécois sont tellement malmenés? Ben parce qu'on est assis sur une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Puis ils veulent notre eau pour la distribuer selon leur vision à eux autres, dans le sens qu'ils considèrent que c'est pas que c'est à nous autres, c'est à appartient à la couronne britannique. Puis bon, mais eux, c'est qui contrôle? Ça ne sait pas de quoi on parle. Mais ah, je vais passer à ça, qu'ils n'avaient pas le plan au complet. On devrait aller dans leur sens, mais avant, eux, pour perturber le rythme et faire de fausses marches LGBT, fausses bagarres anticomplotistes, bouf. J'ai bien de la misère avec tout. On a affaire à... Prenez, là, juste... bon, Stéphane Blais, Amélie Paul, Mel Goyer... Eux autres sont là pour capter l'énergie de la population, puis de que justement que ça prenne des directions qui nuisent pas. Moi, je le vois comme ça. Je dis pas qu'ils sont malhonnêtes, mais c'est clairement que ça donnera jamais rien ce qu'ils font. C'est pas de même, ça marche. Fait que c'est bien beau. C'est bien beau, les bonnes intentions puis tout, mais avez-vous vu Legault déclencher une enquête sur les CHSLD parce que le monde marchait dans la rue? Avez-vous vu... Non, ça, c'est pas demain que ça va marcher. Ce que ça fait, c'est que ça capte l'énergie des populations, puis on sert des pions pour que l'énergie aille tout le temps dans des directions qui nuisent pas au plan global. Fait que c'est la différence entre la stratégie puis la tactique. Donc, au niveau tactique, les lanceurs d'alerte, ils servent à faire en sorte que la stratégie, elle soit... elle ne soit pas mise en danger. C'est juste ça. Donc, je ne sais pas, là, c'est rien que de moi, la foule, elle serait rentrée, les places où il faut rentrer. Mais si moi, demain matin, je me mets à essayer d'influencer à ce niveau-là, je ne suis pas mieux que... Bon, je ne vais pas devenir un des lanceurs d'alerte, je vais devenir une rubrique nécrologique. Carrément une bonne idée, des faux rassemblements, ça demande beaucoup d'énergie, mais ça pourrait fonctionner, ça mettrait un bazar pour leur plaire. Ouais, mais là, c'est juste comme gagner du temps, là. T'as effacé un direct. Ouais, il y a un direct où on m'a demandé mon opinion sur l'islam, mais je l'ai donné. Puis après, je l'ai effacé, parce que, bon, je peux le donner comme ça, mais je peux pas laisser ça en ligne. Parce que, par respect pour les sensibilités. Ou juste être là sans rien dire, sans bouger, froid comme ils font, eux, pour faire peur. Sauf que nous, on bouge pas, on dit rien et on est là devant, prostré et sans expression. Quoi, comme les itinérants dans Le Prince des Ténèbres de John Carpenter? C'est ça, votre été? Parce que ça ressemble à ça, là. C'est comme, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film-là, à un moment donné, il y a des clochards qui, dans le fond, sont des espèces de possédés. Tu as des scientifiques qui étudient un liquide dans une église. Puis les itinérants, ils se mettent tout autour de la bâtisse pour les empêcher de sortir, puis du zorier, puis sans bouffe, enquêtant. Hein? Ouais, ben, je ne sais pas, mais. Ah non, vous n'avez jamais vu ça? C'est un des réalisateurs que j'aime beaucoup, John Carpenter, parce que justement, c'était pas un gars d'Hollywood. C'est pas un gars d'Hollywood, puis ça paraît. Puis bon, ben, il reste que il y a un discours, il y a souvent un double discours dans ce qu'il fait. Puis le but est de briser le rythme. Nous sommes un instrument dans l'orchestre. Si on joue la mauvaise partition, on entache la réputation de l'orchestre. Ils s'en foutent, hein? Je pense que ça ferait pas grand-chose de... Un peu de faux dans la note, moi. Je pense pour que... Je veux dire, peu importe, ils vont continuer. Je veux dire, en tout cas, les IA semblent être des points d'accès par des entités un peu comme les morts ont accès à nos mémoires. As-tu perçu quelque chose à ce niveau-là? Non. Carpenter, il s'est fait jeter d'Hollywood. Ben oui, c'est certain, ça. Eux, ils jouent et le petit peuple danse. Il faudra être poussé dans nos derniers retranchements pour réagir, et même si ça va mal, il y a encore beaucoup de place avant les derniers retranchements. L'affaire, c'est que le timing, il risque d'être pas bon. Quand les gens vont avoir assez souffert au point de se rendre compte, il va être tard un petit peu. Donc, et toi, tu proposes quoi? Moi, je propose rien. J'ai jamais proposé rien. Je pense que c'est de la programmation, c'est-à-dire qu'on s'en va vers la catastrophe, puis qu'on, il y a des choses, il peut y avoir des imprévus. Mais il risque, moi, je propose rien. Qu'est-ce que vous voulez que je propose? Ce que je vais toujours proposer, c'est toujours la même chose. C'est l'individu qu'il faut qu'il se rende compte par lui-même. Puis juste ça, c'est déjà assez fort pour que juste au niveau, même pas besoin de parler, hein, juste au niveau de l'entourage, ça a un effet. Les gens, ils vont finir par se rendre compte. C'est juste qu'il va être tard un peu. Il va être tard. Ici, c'est une petite fenêtre sur le vrai. Moi-même, le vrai. L'affaire, c'est que ce qui m'importe, c'est qu'au moins les gens soient conscients. Dans le sens que quand ils vont vivre le gros, le plus gros, s'ils se rendent compte, s'ils se rendent compte pourquoi, déjà là, ça va être moins pire. C'est bien moins pire. Quand on est dans la merde, mais qu'on sait pourquoi, qu'on comprend pourquoi, c'est plus facile d'endurer. Parce que, qu'on le veuille ou pas, il va y avoir un temps où il va y avoir un tri. Puis il y a beaucoup de monde qui vont mourir. Il y a beaucoup de monde qui vont se suicider, le désespoir, des choses comme ça. Le seul fait de comprendre ce qui se passe vraiment, ça peut donner la capacité de rester fort le temps que ça dure. Moi, mon but, c'est qu'il y ait du monde encore après. Pas d'empêcher ce qui vient, parce que je le sais que je peux pas. Mais au moins que les gens restent humains, puis qu'à un moment donné, après, il va rester des humains encore. Il sera pas juste. Je veux pas envie que ce soit juste les pires qui soient sélectionnés, puis qu'après, on se ramasse. Il reste rien que du monde. En tout cas. On s'en va vers le déluge biblique. Ah oui. Bah, pourquoi pas? Je l'espère, quasiment. Dans le sens que, bon, ben, si on regarde les pensées des gens, puis bon. On vit un temps qui ressemble beaucoup à ce qu'on a appelé les temps, les derniers temps de Noé. Supposément que les individus étaient tellement corrompus qu'il n'y avait plus aucune. Il était plus humain quelque part, là. Bon. Si c'est ça l'affaire, pour toute bonne idée, ça prend un immense financement, c'est ça. C'est parce qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas de l'argent, eux autres. Ils ont l'argent. L'argent. C'est pour ça que, regardez, là, il est à Ottawa, Trudeau, là, il est en train c'est une machine à multiplier le déficit, Trudeau. Il imprime de l'argent. Ben oui, elle vaut rien. Elle va valoir de plus en plus rien. C'est voulu. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire? On se finance comme. C'est de la rendre les responsables imputables, défient les traînants en justice. Ouais, mais même là. Admettons là, qu'on réussit à rendre François Legault imputable de certaines décisions, puis qu'on considère que ça a créé des morts par négligence, blablabla. Ben, c'est parce que là, on va se ramasser. Legault, oui, il va être imputable, mais je veux dire, il y en a 100 comme lui pour le remplacer. Ils vont se garrocher même, je veux dire, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se remettre devant les mêmes. Ils vont se jeter aux pieds des mêmes maîtres. Il y en a 100 pour le remplacer, Legault, c'est juste un individu. Je veux dire, les gens qui sont là en ce moment, ils vont s'en débarrasser tôt ou tard. Même Macron, tôt ou tard, ils vont s'en débarrasser. Même Trudeau, c'est possible qu'ils finissent par s'en débarrasser. Ils s'en foutent, lui, de. En tout cas, c'est de rendre le. J'avais affaire avec une application d'IA. Il semble que les entités chevauchent les usagers plus facilement. Peut-être une perception subjective de mon expérience aussi. Ouais, mais je vois quand même un parallèle. Dans le sens que, bon, D'où l'individu prostré, silencieux, froid, sans expression. Moi, ouais, c'est exactement l'humanité, moi, que je dont je veux pas. Beaucoup de pollution passe par les écrans. Ben oui, j'ai rêvé à Trudeau, Calis, il était très grand, 7 pieds, genre, je lui shootais de la merde, il s'est poussé. OK, faire une société parallèle, ils montent en deux, mais ils voudront pas. Ben c'est ça, là. C'est parce que ils ont déjà pensé il y a longtemps. Parce que prenez aux États-Unis, il y a un amendement qui permet à des milices de se former. C'est pour éviter le despotisme du gouvernement. Puis au Texas, ben, il y en avait pas mal des micro-sociétés, des affaires dans le même. C'est pour ça qu'ils ont fait l'expérience de Waco, pour voir si le gouvernement il pouvait tenir une guerre contre des petites micro-sociétés comme ça. Puis David Koresh en est un, ça, totalement manipulé. Puis bon, finalement, il a servi à faire une expérience. À Waco, là, il y a des enfants qui sont morts, brûlés, vivants dans une pièce qui est en dessous de la bâtisse. Puis c'est épouvantable ce qu'ils ont fait. Puis c'est un test du gouvernement américain pour voir s'il était capable de faire le siège de des micro-sociétés, entre autres. Donc c'est pour ça, là, c'est à faire attention. À un moment donné, il y a même... en tout cas... il est où le joueur de flûte enchanté pour les amener vers les torrents déchaînés? Moi. Moi, l'oiseau manquant, non, ils ne voudront pas. La seule force que nous avons, c'est au plan familial, ne pas laisser le gouvernement s'immiscer dans nos familles et avoir un dédain envers les sionistes. Selon moi, il ne nous reste que ça. Puis là, ils peuvent vous retirer vos enfants en disant qu'ils reçoivent une éducation antisémite, là. Ils ont déjà passé les lois. La DPJ, là, ils ont carte blanche. Ils peuvent rentrer chez qui ils veulent, puis la police, ça va être obligé de leur obéir. Peu importe les lois, peu importe. Donc, qu'est-ce que vous voulez, là? De toute façon, même si, par exemple, au Québec, là, on réussirait à avoir une cohésion en tant que société, puis qu'on se mettrait réellement à tenir tête à tout ça, tôt ou tard, on va avoir des militaires qui vont venir nous faire la guerre pour les ressources. Trop tard. Mais bon, moi, ouais, mais à t'écouter aujourd'hui, il n'y a aucune solution pour s'en sortir. J'ai jamais prétendu qu'il y avait des solutions. Quand j'ai dit ça, j'ai déjà dit à un moment donné qu'il y avait des principes d'assises qui permettent de résister. Mais j'ai jamais parlé de solution. J'ai toujours dit la même chose. Ces empires-là, il faut que ça tombe d'eux-mêmes. Puis aussi, il y a des imprévus. Mais je n'ai jamais pensé qu'il y avait une solution. La seule, moi, ce que j'ai toujours prôné la même chose, c'est-à-dire que l'individu, il va falloir qu'il résiste par rapport à ce qui s'en vient. Parce qu'une fois que tout ça va être à terre, il va falloir qu'il y ait du monde encore. Puis là, je parle du monde, du vrai monde, du monde qui sont pas dénaturés dans leur arbre. Du monde qui vont refonder des familles, des vraies familles, pas des niaiseries comme on y enseigne dans les écoles. Là. En tout cas, même s'ils s'acharnent en estime sur nos familles, ben oui, c'est l'ennemi. Dans le fond, là, ils font la lutte à tout ce qui est... ils vont faire la lutte à tout ce qui a fait ses preuves. Tout ce qui a fait ses preuves. Puis, ils vont... Si on est trop chauvin par rapport à ça, là, ils vont nous traiter comme des sectaires. Bien, c'est ça qui s'en vient. Regardez ce qui est arrivé en France, la commission sur les dérives sectaires. Ils étaient déjà en train de répéter, dans le fond, parce que là, si vous ne voulez pas que votre enfant il se fasse apprendre à l'école comment se masturber, puis des affaires de même, bien, ils vont venir vous l'enlever en disant que vous l'élevez selon une mentalité sectaire. C'est aussi con que ça. C'est pour ça qu'il va falloir être extrêmement intelligent. Moi, là, ma solution, c'est-à-dire que votre enfant y inculquait un sens critique qui fait qu'il va être capable d'aller à l'école puis de faire semblant. Mais au moins que quand vous ne serez plus là, au moins les réels, la lucidité réelle, vous l'aurez quand même transmis à votre enfant. En tout cas, Depuis juin, au Québec, on a l'équivalent de la loi Guessot. Moi, je ne suis pas trop la loi Guessot, c'est en France, mais c'est vrai que, oui, la primauté parentale. Dans le fond, il faut juste confirmer ce que certains, comme le docteur Godbout parlait, puis qu'on savait déjà, à savoir que l'État considère que vos enfants lui appartiennent, que c'est de la ressource comme les minerais, comme les forêts, comme l'eau. Donc, imaginez un État qui s'endette. Quand un État va emprunter au FMI, il va tout le temps dire, ben là, on a tant de population, soit tant d'immigrants, puis on a telle industrie, puis on va être capable d'exploiter la population à travailler dans telle industrie pour vous rembourser sur tant de temps. C'est comme ça que un État va emprunter. Il emprunte tout le temps au niveau de l'énergie de sa population, d'esclaves, c'est réellement ça, là. Donc, le dedans, ils développeront ça eux-mêmes, mais garder les liens familiaux solides, c'est ma priorité. Il faut le faire intelligemment. Ben oui, puis même jusqu'à un certain point, bon, moi, dans mon cas, je voulais pas que des proches aillent en maison de personnes âgées. Puis c'est un sacrifice quelque part. Mais il reste que c'est une question de principe. En tout cas, un moyen de la contenance, sinon, c'est pour dire le sens, le mot. Et pas important, c'est de saisir l'idée. On ne peut pas juste observer passivement. Ben oui, mais moi, c'est ça que je fais. Je ne peux pas dire que c'est une observation totalement passive parce que je me permets de parler. Mais il risque. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pire que. On est vraiment encerné là, de toutes les façons possibles. Ça a pris un petit peu plus d'un siècle, planifier tout ça. C'est bien planifié. On peut juste, jusqu'à un certain point, espérer que il y a de la résistance de leur côté aussi, puis qu'il va y avoir peut-être même du piratage. En tout cas, ça dépend du monde. Moi, la famille, il faut que je reste loin. Ben, c'est sûr, ça dépend de votre contexte. Je dis à ma voisine ce qu'ils font avec les enfants à l'école. Elle dit, c'est pas possible maintenant. Elle dit, c'est vrai, c'est que tu dis, ben. Vous savez, là, regardez, là, juste quand il y a eu, là, on a commencé à parler, il y a eu un petit débat de société, l'hypersexualisation des enfants. Puis moi, dans ce temps-là, je participais à des blogs, puis je le disais. Je disais, là, il y a de la psychologie inversée là-dedans. Puis vos enfants, que vous le vouliez ou pas, ils vont être vus comme un bien de consommation par ces gens-là. Donc, dans le fond, c'est des esclaves. Les écoles sont là pour leur inculquer eux-mêmes, ils diraient ça, là, des aptitudes et des compétences selon selon ce qu'on veut des autres, dans le fond. Fait que c'est pas pour rien qu'il y a tout ça. Puis ça a tout été pensé, entre autres, aux États-Unis. Ben, c'est ça. La gauche américaine. Kinsey, puis. En tout cas, pareil, bon, là, ça va trop vite, j'en perds. Ça dépend, oui, ok, pareil avec ma famille. Il y a un souci éthique particulièrement développé chez les gens en voie de conscientisation. Comment cela se fait-il? Ben, ça fait partie de la conscience, l'éthique. C'est sûr. En France, ils commencent à faire des villages de migrants dans la campagne sous couvert d'investissements privés. Ben, ici, dans mon coin, il y a des Chinois là, qui viennent acheter des terres. En tout cas, supposément que c'est des particuliers. En tout cas, better call Saul. Ouais. Faut occuper de nos vies encore une fois et ne pas trop réagir. L'affaire, c'est de rester solide, puis de rester sain. Puis de rester soi-même, puis de rester. Comment je pourrais dire ça? De ne pas se laisser corrompre. Parce que une fois que ça va être fini, il va falloir qu'il reste du vrai monde. Il va falloir qu'il reste du vrai monde, de l'ancien monde. Parce qu'on ne pourra pas reconstruire sur leur base à eux autres. Parce que ça mène vers la mort, ça. Ça va contre tout. C'est anti-vie, c'est anti-humain, c'est anti-individu. On peut pas construire une, on ne pourra pas reconstruire une société avec leur base à eux autres. Donc, il va falloir garder. Un peu comme des gardiens. Fergus, ma famille, moi aussi, c'est restreint. Suivre l'énergie qui nous est acheminée. Ouais. Ben oui. Et je tape les premières lettres et le nom apparaît. OK. Fergus, ben oui, tu viens de le faire. Pour survivre, il faudra se cacher. Ça, je ne le sais pas encore. Mais je connais une dame dans le supramental. Puis ça, c'est il y a 5 ans, peut-être un petit peu plus. Elle la voyait. Elle dit à un moment donné, le monde va falloir qu'il sauve dans le bois. Elle a vu ça sur son écran mental. Qu'à un moment donné, les gens, ils allaient être obligés d'aller se cacher dans le bois. Puis l'affaire, c'est qu'à cette heure, avec certains types de technologies, tu peux pas te cacher. Ils ont des caméras infrarouges, puis tu vois les silhouettes. Puis il y a même du monde, sans le savoir, ils ont possiblement déjà des transpondeurs dans le corps. Donc, à se cacher, ouais. Je sais pas. Moi, je suis pas fort sous le cachage, là. Moi, j'espère bien franchement qu'ils vont me trouver dessus. Ben, moi, je vais aller voir ça, les camps. Je vois que pour affronter ce qui vient, il faudra adopter la voie du guerrier. Moi, ça dépend ce qu'on entend par là. Parce que la voie du guerrier, le guerrier dans ce niveau-là, c'est souvent un fonctionnaire. Il n'apparaît pas en orange. OK. Ben là, avec les satellites, oubliez ça. Creuser a été ma première idée. Ouais. Ben, c'est ce qui est arrivé, semble-t-il, il y a longtemps. Il y a ce qu'on appelle les troglodytes, là. Il y a des gens qui ont vécu cachés sous terre pendant des générations. Des fois, je me dis, moi, ça serait peut-être pas fou de repérer des vieilles structures de mines abandonnées. J'y ai pensé aussi à ça. Même j'avais créé j'avais trouvé un système de dugong qui permettrait de bâtir des bâtiments extrêmement rapidement, puis même de les débâtir, les transporter. Mais bon, j'ai pas envie de vivre comme dans Mad Max. Je vais monter à l'eau camp. Je vais monter à l'eau camp. Dans tout cas, c'est même pas dans les bois des gens, ils disent dans les montagnes. Ah oui, je sais pas, des fois c'est mieux d'aller. Je sais pas, les montagnes, là. Vous rappelez le siège de Montségur, puis bon. Le souci éthique est présent chez les gens spirituels aussi. Quelle différence entre la manière de vivre l'éthique en conscience versus vivre l'éthique spirituellement? Ben, c'est évident. Dans le sens que quelqu'un que c'est par sa conscience, c'est tout simplement au niveau de sa conscience qu'il va avoir une éthique, tandis que quelqu'un de spiritualisé, là, il y a un paquet d'autres affaires qui entrent en ligne de compte. Puis quelqu'un de spiritualisé, ben, il va être cave comme moi, puis refuser des choses par principe, même si ça lui nuit. Donc, des fois, c'est pas lucide, lucide au niveau spirituel, parce que ça fait appel à l'abstraction. L'abstraction morale, qui est réellement une abstraction, parce qu'au niveau technique, ça joue pas tant que ça. Mais bon. Il y a 50 ans, une arrière-grand-mère a dit, avant de partir, ils vont vous mettre une puce dans le cerveau. Ah oui. Les dogons, non, je n'ai jamais parlé des dogons. Les dogons, ce n'était pas des troglodytes. Ce n'était pas les troglodytes. On a beaucoup parlé des dogons, la cosmogonie des dogons, mais ils ont clairement été en contact avec des astrologues, des astronomes, si on peut dire, au 16e siècle, qui leur ont transmis des connaissances, semble-t-il. Donc, je n'ai jamais cru, moi, à la cosmogonie du Dogon. J'ai jamais, mais ce n'était pas des troglodytes, même pas dans la même région. Cellule A, on ne pourra pas fuir sans s'exposer à crever de faim, moi. On n'a pas les grottes de la Corée du Nord. Ben, en plus, les grottes de la Corée du Nord, vous savez qu'il y a certains consortiums qui veulent le minerai nord-coréen. Fait que les grottes, ben même en Afghanistan, ils nous expliquaient qu'il y avait des réseaux de grottes incroyables, puis blablabla, puis finalement, quand on se rend sur place, ben non, c'est juste des petites concavités. Cachées en pleine vue, moi, j'opterais plus pour ça. Dans le sens que, bon, mais de toute façon, moi, je suis déjà brûlé. se cacher dans la machine et mettre du sable dedans, moi, hein. Mais comme je vous dis, c'est probablement déjà un petit peu là, le cas. se cacher dans on ne pourra que faire face et ajuster nos perceptions. Oui, ben c'est ça le but, je pense. Dans le sens, pour ça, là, moi, je vous dis, j'ai pas de solution. Moi, c'est tout le temps la même affaire. Dans le sens, il va falloir intégrer ce qui se passe réellement. Puis, il va falloir l'intégrer consciemment. Juste le fait de le voir, ça va être déjà un tour de force. Avant d'empêcher quelque chose, il faut au moins le voir. Puis, comme je pense pas qu'on ait la capacité collectivement de l'empêcher, bon, au moins le voir individuellement. Déjà là. C'est-à-dire, comme Armand Desroches avait dit, mourir conscient. Si on ne peut pas faire autrement. Tout leur pouvoir sur nous est basé sur le fait qu'on accepte le moins d'esclaves. Lors qu'on se place en tant qu'être vivant et non en tant qu'être personne, ils savent qu'ils n'ont pas de pouvoir sur nous. Ça, je ne crois pas à ça. Ça ressemble beaucoup à ce qui est dit par les gens citoyens souverains. Mais c'est juste des mots, là. Je veux dire, la personne qui disait « Moi, je suis citoyen souverain, je suis l'autorité dans ma vie, blablabla. » Ben oui, mais s'il arrive un coup de matraque par un policier, la tête fait pareil. Que vous donniez le statut que vous voulez. Le réel va avoir une politique du fait accompli. Fait que ça donne quoi, là? Ça tu sais, je veux dire, tu vois, ben moi, je suis vivant. Je suis une personne. Il s'en calisse de ce qu'on pense de nous-mêmes. Ça sera pas effectif. Je dois dîner. Ah, bon dîner, Laurine. J'habite au hameau, l'eau est gratuite. Un hameau, l'eau est gratuite. Ben, ça dépend pour combien de temps. Si l'inflation continue, puis tout, puis qu'il y a une vraie crise, vous allez vous rendre compte que. L'eau, ça se paye. Parce que, bon, quand je jouais à la cachette, le meilleur spot, c'est perché dans un arbre. Personne ne pense à regarder en l'air. Moi, c'est parce que là, il va y avoir toutes sortes de nouvelles machines, là. Comme ça fait juste une quinzaine d'années qu'on nous parle des drones, mais ça fait longtemps que ça existe. Puis d'ailleurs, un petit clin d'œil, justement, on parlait de John Carpenter. Si vous regardez le vieux film des années 80, des Lives, où que c'était, il y a déjà des drones là-dedans. Fait que, dans le fond, bon, moi, je suis D.S., OK. Mais comme je vous dis, c'est ça. C'est le genre de choses qui ne changent rien. Ça ne changera rien. Je veux dire... Quand la police arrive, puis qu'ils défoncent, puis qu'ils décident de, bon, sachant, tu vous leur dirais ça, voilà. C'est comme les citoyens souverains. Moi, je suis l'autorité dans ma vie, blablabla. Ben oui, mais là, je veux dire, quand tu te fais sacrer dans le fond d'une cellule, puis interroger avec une batterie de char de plugger après les gosses, ça change quoi, là? Tu sais, un mot qui ouvre le lac hydroélectrique. Ah. Mais c'est comme, regardez au Québec, là, Legault, il veut repartir les grands travaux, les barrages. Mais là, c'est pourquoi, dans le fond, c'est parce que c'est pour la zone 1. L'énergie hydroélectrique, elle n'ira pas au Québec, quoi, tant que ça. C'est pour la zone 1 qui va faire être le Canada, les États-Unis puis le Mexique. Ça donne que les procureurs jugeaient que sont tous des francs-mains, qui ben pas toutes, là, j'en connais. Puis, ils ont une limite pour ne pas subir le jugement dernier. Ils touchent aux personnes et non aux vivants. C'est leur petit secret. Je suis pas prêt, là, à... Ben, j'en ai vu du monde qui... En tout cas, j'ai écrit « T'es pas dièse sur un poêle en fonte. Ah. » Saul, que va-t-il se passer s'il y a un crash boursier avec les gens qui viennent de prendre un gros crédit immobilier? Ben, ils vont perdre leurs affaires. Ils vont perdre leurs maisons. Ils l'ont dit, la gang de craqués en Suisse, ils veulent que le monde vive dans des tours d'habitation, dans des cages à poules. Comme déjà, c'est le cas, vous regardez Hong Kong, il y a des coins que c'est indécent de laisser les humains vivre comme ça. Ils vivent comme dans des cages à poules. Puis, ils n'ont même pas l'air climatisé. Ils ont des petits ventilateurs qui font juste déplacer de la moiteur. Puis ça, ces gens-là, c'est du cheap labor. Puis ça, c'est la suite de l'Empire britannique. On dit que les Britanniques ont rétrocédé Hong Kong à la Chine. Mais non, la guerre de l'opium, ils l'ont gagnée, ont financé le communisme en Chine. Puis la Chine est dans le même système avec le FMI puis toute la patente que tout le monde. Puis il reste que, d'une certaine façon, c'est les suites de l'Empire britannique. La Chine a totalement perdu la guerre, totalement. Puis là, elle va servir de pion pour une autre guerre qui va servir justement à purger parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de monde. Bon, ben, coudon, les 10 à 8 milliards d'autorités suprêmes, la chicane va pogner assez vite. Moi, ben, heureusement que c'est ça, pas de la vraie autorité, dans le fond. Mais, en tout cas, ça s'en vient assez vite en passant. On va parler, qu'est-ce qui va se passer? Ben oui, mais qu'est-ce qui arrive quand il y a un crash boursier? Vous pouvez le voir dans des pays où ils ont complètement rejeté le capitalisme. On va tomber dans des systèmes comme ça. C'est-à-dire qu'on va tomber dans une sorte de régime communiste total, que c'est l'État qui distribue l'eau, qui distribue la nourriture, puis qui, bon, on va être avec des coupons. C'est-à-dire, au lieu d'avoir de la monnaie de singe qui vaut rien, on va avoir de la monnaie de singe encore plus qui vaut encore plus rien, c'est-à-dire des coupons. C'est-à-dire que, bon, ben, toi, tu as le droit de manger, attends, puis bon, ça va être plus, ils vont appeler ça la justice. Ils vont appeler ça la justice, ils vont appeler ça la bonne providence de l'État. Puis dans le fond, là, ben franchement, là, j'atteste pour l'avoir expérimenté au tribunal, le juge n'a aucune juridiction sur le vivant. Par contre, je suis d'accord avec toi que la police n'en a rien à foutre. Ben oui, mais même là, moi je l'ai vu ça en cours dans le fond, que des affaires de même, ils ne s'empêtrent même pas avec ça. Dans le sens que j'aurais même pas tenté ma chance. Là. Bonsoir Christophe, bonne soirée. Des petits groupes vont attaquer la diligence. Ben, c'est ça qu'ils veulent. J'ai vu un reportage en Australie, le journaliste il expliquait aux téléspectateurs comment siphonner le gaz dans le char du voisin. C'est à la télévision nationale qu'il montrait ça. Ils veulent qu'on soit tous des petits groupes, un peu comme des... On va redevenir au niveau tribal comme des gangs de rue. Puis là, ça va être la guerre entre des petits groupes, entre autres. On va tout être divisés. On règne par en divisant. Puis finalement, ben ça va justifier... vous vous souvenez, là? Ça va justifier des forces de maintien de la paix. Puis c'est pour ça, moi, l'ONU, quand il allait maintenir la paix quelque part... ben non, ils vont maintenir la... En tout cas, ils vont maintenir la division. Commencer à nous exercer à moins manger. Je ne sais pas, là. Je peux parler personnellement en connaissance de cause au niveau des compagnies d'assurance. Les taux de mortalité et les assurances maladies graves ont atteint des niveaux alarmants. Ben oui. La principale cause de mortalité officielle en Alberta maintenant, c'est cause inconnue. Puis là, c'est rendu, on a même, il y a une femme aux États-Unis, elle a fait un ACV en direct, une présentatrice de journal. Puis on a de plus en plus des gens, ils nous font des ACV en direct à la télévision. On ne sait pas du tout que c'est lié à quoi. Des jeunes sportifs, 18 ans, 19 ans, qui tomberaient de mort à terre. On ne sait pas du tout de... Ah non, c'est assez... ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis, ils n'ont pas donné la cue nécessairement au monde. Là. Même les gens très en moyen, multimillionnaires, il y en a qui sont embarqués à 100 000 à l'heure là-dedans. Regardez, Justin Bieber, il a la moitié de la fallateur. Bon, ben, il n'a pas été averti, lui. Pourtant, jusqu'à un certain point, il fait partie des pions importants. Puis, ben non, ils l'ont laissé. Bon. Oui, ils ne veulent plus d'humains. J'arrive tard, je réécouterai en replay. Ben oui, je suis à la veille d'arrêter. Mais en plus, c'est le troisième live que je fais. J'ai eu des problèmes avec les autres. Mais ils s'en foutent, dans le fond. Prenez, pensez-vous qu'il y a longtemps, les Châtelains, ils tenaient tant que ça aux ménestrels? Pour des raisons politiques, ils étaient prêts à sacrifier n'importe qui. Fait que du monde comme Justin Bieber, c'est des trous de cul. C'est des petits trous de cul, ça vaut aucune valeur à leurs yeux. Fait que là, il y a la moitié de la face à terre, puis ils ferment sa gueule. Puis sa femme, elle a eu des ACV à répétition, puis possiblement qu'elle retrouve, elle recouvrera jamais totalement ses capacités, puis il ferme le gueule. C'est ça des courtisans. C'est ça de la déférence. C'est ça de la... Bon, ben, Crash Boursier, le dernier épisode de « 7 jours sur Terre » explique très bien. Ah, je ne l'ai pas vu. Mais c'est clair que ça s'en vient ça aussi. Donc, il y a des choses qui ne pourront pas faire faillite. Donc, j'essaie de me concentrer sur ça. Mais je vais être franc avec vous, là, les dernières semaines, là. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Hey, j'avais notamment une mine, une minière, j'avais des actions. J'ai perdu la moitié de mes titres, la valeur de mes titres en un après-midi. Oui, comme par hasard, c'est seulement aux personnes vaccinées à qui ça arrive. Ben, c'est ça. Moi, j'ai pas été malade depuis plus de deux ans. Puis tout le monde que je connais qui sont là-dessus, notamment le préposé aux bénéficiaires qui reste ici en haut, là, elle a commencé à faire des mises à CV. Puis elle a été malade cet hiver. Puis ça va pas bien. Elle n'a pas l'air en forme, pas en tout. Puis bon, j'ai un oncle et une tante, ils ont été malades tout l'hiver. Puis ils ne comprennent pas pourquoi. Puis ils disent, ah, oh, ben heureusement que j'ai eu ce traitement-là, sinon j'aurais été encore plus malade. Ça, c'en est de la rationalisation complètement stupide. Puis c'est induit. C'est induit dans le sens, on est dans le domaine de l'hypnose, là. C'est n'importe quoi. Donc, les tarificateurs doivent tout réviser, les montants des polices, et ne peuvent pas le dire, mais le fait d'être injecté va même causer des refus d'être couverts sous d'autres prétextes. Ça va prendre combien de temps avant que ça sorte? Moi, c'est ça, j'en reviens pas. On va attendre la guerre. Ben oui, parce qu'une crise en couvre une autre. Fait qu'on va attendre la guerre, là, tout d'un coup, ça va sortir plus. Mais ce sera peut-être plus le temps, là. Dans le sens que, bon, je travaille pour la plus grosse entreprise nord-américaine qui gère la Terre en gris. Ah oui! Et j'ai compris que nous appartenons aux militaires américains. Ben, surtout l'engrais, là, c'est des enjeux extrêmement, bon. C'est qui les premiers qui sont allés dire que plus tard, il y avait des guerres pour l'eau? Entre autres, puis bon, ben, c'est tout les rapports du Pentagone, des rapports de la CIA. À un moment donné, je voulais investir dans l'eau dans ma région, puis je me suis rendu compte que le seul moyen que je pouvais investir dans l'eau dans ma région, qui est une ressource qui est censée appartenir au peuple québécois, ben il fallait que j'achète certains titres de Morgan Chase, la banque Morgan Chase. Trouvez-vous ça normal? Okay. Bon, ben, bonne journée, Jean. Denis, ça, Ange, il faut investir dans potache. Qu'est-ce que c'est ça? Potache. Moi, c'est les hauts niveaux, les engrais, puis pourquoi est-ce que les militaires, puis pourquoi ça fait partie du plan aussi de réduire l'azote, puis pourquoi les militaires... Une autre expérience faite par le gouvernement américain. Souvenez-vous, l'attentat d'Oklahoma City avec Timothy McVeigh, c'est comment qu'ils ont fait sauter l'immeuble avec de l'engrais, avec des engrais. Ben oui, c'est pour ça qu'ils ont tellement peur, les Américains, des rednecks puis des milices, puis parce qu'ils ont des explosifs, fait qu'ils ont créé Timothy McVeigh qui est allé là, puis que supposément, ils ont exécuté. T'exécutes pas une bonne agent de même, là. Hein? Puis d'ailleurs, il est réapparu à un moment donné, il y en a, il sera prêt à jurer à quatre pattes sur la Bible que c'était lui, puis qu'ils ont parlé avec, qu'il n'a pas été exécuté par tout. Mais ça, c'est une autre affaire qu'on voyait dans les tribunaux, là, on fallait se mettre la main sur la Bible puis jurer. Puis savez-vous que dans la Bible, c'est écrit de ne pas faire ça? Je veux dire, c'est quand même incroyable, là, parce que ça fait des siècles, bon, on nous faisait jurer sur les Écritures, puis c'est écrit dans les Écritures de ne pas jurer sur les Écritures. C'est tout le temps de même, c'est tout le temps des affaires, des fertilisants, oui. Oui, c'est faire des explosifs de qualité, là. Les fertilisants, c'est quelqu'un qui a le permis pour en acheter, puis qui a des bâtiments de ferme pour en stocker. Il peut faire des méchants ravages, je peux dire, il va être capable de fabriquer des explosifs très efficaces. Vous vous souvenez, Oklahoma City, je m'en rappellerai tout le temps, Je me lève, dans ce temps-là, j'avais une petite télévision dans la cuisine. Je me lève, puis je vois ça, l'immeuble à moitié éventré. La moitié de l'immeuble avait disparu. Puis là, après ça, toute l'histoire de Timothy McVeigh, puis oh, c'est des rednecks d'extrême droite associés aux milices aux États-Unis, la droite religieuse, blablabla. C'est des choses, ouais, c'est pas pour rien que les militaires, ils veulent avoir le contrôle sur les engrais, entre autres, mais ça va passer à travers des corporations. Puis, savez-vous ça, que les témoins de Jéhovah puis les Wiccans, ils ont le même cabinet d'avocats? Ah oui, la Lucy Trust puis ces affaires-là, aux États-Unis, ils ont toutes les mêmes... tu sais, je veux dire, c'est quoi la différence, dans le fond, à part la doctrine, entre la scientologie, les témoins de Jéhovah, c'est toute la même crise d'affaires en haut. Si vous regardez en haut, ça a tout été fondé par des francs-maçons, puis comment il s'appelait le fondateur des témoins de Jéhovah, là, Charles Taze Russell, il me semble. Ben lui, il est enterré en dessous d'une pyramide. Les témoins de Jéhovah ne sont même pas au courant de ça. Ils sont pas au courant de rien. C'est pareil pour toutes les affaires-là. Je veux dire, c'est une pyramide maçonnique, là, puis c'est sa tombe officielle. Puis moi, quand je recevais des témoins de Jéhovah dans les premières affaires, je leur disais, je dis, savez-vous que votre fondateur, il avait un dossier criminel pour avoir voulu vendre des haricots magiques? Savez-vous que vos fondateurs, dans telles années, ils ont construit une villa énorme en disant que c'était pour le prophète Élie qui s'en revenait. Puis ils sont pas au courant de ça, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de lire sur leur propre, entre guillemets, religion. Mais c'est quoi la différence avec la scientologie? C'est tout, ça a été fondé par un autre de la même clique, de la même gang. C'est tout pareil. Puis là, si vous avez des problèmes en justice avec eux autres, ils ont tous les mêmes avocats, ils ont toutes les mêmes affaires. Puis souvent, les honoraires vont être payés à travers des comptes que c'est les mêmes affaires que pour des agents de la CIA. C'est toute la même affaire. Je veux dire, c'est tout en haut, au lieu, c'est toutes les mêmes, tout le temps. C'est pareil pour toutes. Bon, qu'est-ce que vous voulez? La conscience doit intégrer la terre des seigneurs. Moi, je vais devoir laisser bientôt. La conscience doit, OK, dans la banlieue de Toulouse, un bâtiment d'engrais a explosé et ça a fait un très grand trou. Ouais. Et les extraterrestres dans tout ce micmac-là, ben là, on pourra en parler de ça. Moi, je vais être franc, là, puis je vais vous le dire. Puis même, je risque de choquer bien du monde parce qu'il y a du monde dans le supramental que les extraterrestres, ils sont leurs amis. Mais moi, ben franchement, je vais être franc avec vous autres. Ce qu'on a des contacts, puis ce qu'on nous parle, puis qu'il y a de la propagande à la TV depuis des décennies, parce que ça fait au moins 30 ans que ça dure, là, les histoires de petits griffes, des affaires de même, puis tout. On a affaire à des. Ce qu'on. Je vais vous donner mon opinion subjective. C'est quoi ça, ces bébites-là? Ben, premièrement, on a une humanité qui se cache parce que c'est des castes. Donc, nous autres, le petit peuple planétaire, on n'est pas au courant que l'être humain est beaucoup plus avancé qu'on le pense, puis qu'on appartient à d'autres humains qui ont accès à des technologies dont on n'a aucune idée. Fait que, bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis, est-ce que certaines intelligences non humaines peuvent intégrer des corps synthétiques dont certains autres humains pourraient leur avoir fourni la technologie? Je pense que oui. Puis, ces êtres-là qui ne peuvent pas se présenter sous des formes humaines, mais qui sont obligés de chevaucher des corps qu'on pourrait dire synthétiques ou des corps cultivés. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelait anciennement des anges déchus puis des démons. C'est-à-dire des êtres tellement coupés de leur source, puis tellement dans l'orgueil de leur connaissance, qu'ils sont même plus capables de s'incarner dans des corps biologiques. Puis c'est d'autres humanités, c'est d'autres humains totalement corrompus qui travaillent avec eux autres. Là, on tombe dans des sujets que ça a l'air de des folies, mais moi, à mes yeux, les extraterrestres, c'est des démons. C'est des démons, c'est des entités dégueulasses. Puis les gens qui travaillent avec ces forces-là, c'est des traîtres, puis c'est des caves, puis c'est des pourris, puis c'est des possédés. Ils auront beau être aussi intelligents qu'ils veulent, puis savoir tout ce qu'ils savent, c'est juste la connaissance. Ça leur donne pas l'autorité d'avoir le droit de vie ou de mort sur leur prochain. Ça leur donne pas ça leur donne pas le droit moral d'agir comme ils font. Il n'y a aucune éthique dans la façon dont cette planète-là est gérée. On ne fera pas à cœur que les forces supérieures y ont tellement de l'allure. On le voit, c'est l'histoire de l'humanité. Dans le temps, en Amérique centrale, il y a du monde qui sacrifiait des enfants. Ils leur faisaient prendre des produits hallucinogènes. Puis là, c'était le printemps. Fait que là, c'est la fête du maïs qui germe. Fait que là, on les écorchait vivants devant tout le monde. Puis on ne fera pas à croire que ces forces-là sont plus conscientes que nous autres. Ils sont peut-être bien, bien intelligents. Ils sont super intelligents. Ils ont la science. Ils ont la science dans le sens qu'ils ont des moyens techniques extraordinaires. Puis oui, pour assujettir. Puis c'est tout le temps ça qu'on a appelé Lucifer, dans le fond. L'assujettissement par la connaissance, par des êtres déchus, dans le fond, qui sont obligés d'entretenir des êtres biologiques comme nous autres pour continuer à se nourrir en vampirisant le vivant, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont plus vivants, là. Ils sont tellement... En tout cas, ce n'est pas des sujets de belle fun, là. Puis, s'il y en a qui se demandaient si j'étais fou, là, leur idée doit être faite. Ah oui, si j'y ai pas à cette époque, mais ça a fait du bruit, c'est certain. C'est ça, les seigneurs, les démons anti-éthiques. Donc, pas d'extraterrestres, mais des habitants d'autres plans qui sont dans notre environnement immédiat. Et voilà. Et voilà. C'est pour ça que moi, je vous dis, toutes les histoires d'extraterrestres, c'est de la manipulation. Puis on le voit. On le voit. Ça aboutit tout le temps à des crises de niaiserie. Tu sais, puis il y a du monde qui sont là, puis ils attendent le secours de tout ça. Tu sais, tant qu'à faire aussi bien... mais il semble peu entreprenant sans consentement. Bien, anciennement, quand il était question de commerce avec des démons, il fallait signer. Il y avait un pacte. Donc, bon. Tu sais, je veux dire, c'est ça, vendre son âme. Mais là, dans le fond, l'âme, c'est pas juste votre nom, là. C'est votre ADN, c'est votre identité, c'est... vos empreintes digitales, votre cellulaire, votre génétique. Donc, ils sont fascinés avec ça. Ça m'énerve. Ouais. Ben, moi, tout ça m'énerve. Parce que, prenez tout ce qu'il y a eu dans les années 70-80, Evan Gates avec Dwight Applewhite, puis l'Académie Unarius, puis ces affaires-là. C'est ça, des doctrines de démons. Tant qu'à moi, c'est ça des doctrines de démons. Puis on est averti. On est averti des millénaires à l'avance de c'est quoi des anges déchus, c'est quoi ces êtres-là, pourquoi est-ce que le biologique est tellement important pour eux autres. Puis il y a encore du monde, ils attendent le secours des frères de l'espace. Puis étrangement, il y a toutes sortes de petites patterns, comme il y en a, là, ils voient des grands blonds. Ah ouais, ils ont l'air génétiquement parents avec tous les barbares du Nord, là. La Suède, le Danemark. C'est quoi la marque de Dan? Dans mon coin, il y a un bonhomme dans les années 30. Il entendait du monde comme qui travaillait sur... il pensait que c'était une machine agricole en arrière d'une grange. Donc lui, c'était un gros bonhomme, bien bâti, puis tout. Puis ça, c'est Jean Ferguson qui a rapporté ce témoignage-là. Lui, il l'interrogeait, le bonhomme, puis il était plus que digne d'intérêt. On est loin de parler de quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Puis il est allé voir pour aider, parce que quelqu'un, c'est un gros travailleur. Puis il a dit, ils ont de la misère avec leur machinerie agricole, je vais aller les aider. Puis quand il est arrivé en arrière de la grange, j'ai eu affaire à deux bonhommes, à tout petits, qui avaient toutes les dents exactement pareilles, comme ça avait été tout moulé parfaitement. Puis... eux autres, quand ils l'ont vu, ils ont sorti une petite affaire, puis pouf, ils l'ont paralysé. Ils se sont arrangés pour qu'ils ne leur nuisent pas. Ils ont continué à réparer leur machine, puis ils sont partis. Puis après, lui, il est formel. Il parlait une sorte de langue germanique. Lui, il a dit, je pense que c'était de l'allemand. Ça ressemblait à comme de l'allemand, comme j'ai déjà entendu à la radio. Mais il n'était pas sûr. Mais moi, je vous le dis... il y a un lien entre certaines humanités qu'on nous cache, puis les barbares du nord de l'Europe. Puis pourquoi est-ce que les îles britanniques. Ils viennent d'où, les Britanniques, dans le fond? Puis Guillaume le Conquérant, puis ces affaires-là. Puis Chris, c'est les pires barbares que j'ai jamais eu sur Terre. Encore aujourd'hui, on raconte au monde que les Indiens, ils scalpaient. C'est pas les Indiens qui scalpaient, c'est les Britanniques qui faisaient ça. Puis les Iroquois sont mis à scalper, puis d'autres tribus, pour imiter leurs alliés britanniques, leurs alliés anglo-saxons. C'est eux autres qui scalpaient le monde. Ça faisait pas partie des traditions des Autochtones de scalper le monde. C'est les Britanniques qui ont tout le temps agi de même. C'est des... Il faut que je fasse attention, hein. Et de bon, plutôt que de prendre ses responsabilités et faire un monde solide, les gens désirent profondément l'arrivée des avenirs. Voilà, c'est dangereux. C'est dangereux, ça. Parce que quand ils vont arriver, si jamais il y a quelque chose d'impressionnant qui se passe, qu'on instrumentalise la perception de la masse, ben on va déjà être à genoux à terre, à plat ventre, le cul dans les airs. Ils vont rien que rester à nous enfiler. Ça va être facile. On va être déjà assujettis d'une façon totale. Tandis que dans le fond, toutes les valeurs réellement humaines, des valeurs de conscience qui ont pris des millénaires justement, puis que même quelqu'un n'était pas obligé de l'apprendre ça, parce qu'au niveau intérieurement, quelqu'un qui est sincère, il sait ces affaires-là, le respect de la vie, la dignité de l'individu, ces choses-là, les autres, ils n'en ont rien à foutre. Puis moi, quand je regarde ça, toutes les histoires là, de nos ancêtres, les extraterrestres, puis ces conneries-là, je ne reconnais pas les valeurs de la réelle humanité consciente là-dedans. Je ne reconnais rien que de l'hostie de bouillie pour les chats qui sert à assujettir le monde. Je n'ai pas envie, moi, de vivre dans un monde où je suis de la ressource puis du manger pour une bébite qui m'engraisse en attendant de me manger aussi. Ça n'a pas de bon sens. Dick. Dickerson, non, je ne connais pas. Ils vont le faire, ils le pratiquent en ce moment. Ça ne me surprendrait pas. Puis là, on va se rendre compte qu'il y a d'autres humanités, peut-être. Puis on va se rendre compte qu'il n'y a pas juste de la politique sur la Terre, il y en a en dehors de la Terre, puis que c'est encore de l'estime de crosse. La politique, c'est écœurant, peu importe le niveau. La politique, c'est une activité de compensation qui est liée au fait qu'il n'y a pas d'harmonie au niveau de la conscience, dans l'être humain. Puis je ne parle pas avec l'être humain sur Terre, je parle de l'être humain dans l'univers local. Les autres humains qui sont moins humains que nous autres, mais au niveau de leur connaissance, ils en savent plus au niveau technique. Ça fait qu'on est dominé. C'est comme dans le film de John Carpenter quand il a fait un remake du Village des Damnés. À un moment donné, la chef des enfants, la petite, son père, il demande, il dit « On ne pourrait pas coexister. » Puis elle dit « Si nous coexistons, nous vous dominerons. » Puis c'est inévitable. C'est des lois de la nature. C'est ça, ben c'est ça. Ils ont une âme, mais ils n'ont pas d'esprit. BDM parlait que les extraterrestres étaient pour se manifester mondialement et que c'était pour bouleverser l'humanité. De quoi ils parlaient selon toi? Ça dépend de quel enregistrement, mais ils savaient que, bon. Mais il y a tout, il va y avoir des contacts avec des humains d'ailleurs, qu'on le veuille ou pas. Mais là, c'est parce que ça dépend de ce qu'ils entendent. On tombe-tu sur les politicailleurs qui exploitent, qui nous exploitent ou sur d'autres alliés qui ont subi? Ça dépend, là. En plus, il y a une quarantaine. C'est-à-dire que, bon, ils ont le droit de faire leurs petites affaires puis tout, mais tant qu'on n'atteint pas une certaine date, il y a une quarantaine, ils n'ont pas le droit officiellement de venir bouleverser la mémoire des peuples au sens de l'âme collective d'un coup. Ils n'ont pas le droit. Mais là, c'est parce que là, on approche, là, que... En tout cas, tu sais, d'autres humains dans des univers locaux. Quel univers? Mais quel univers? Ça le dit, le mot. Je parle pas d'un multivers, moi, là. Dans le sens... Puis quand je parle d'univers local, je parle de notre système solaire. À nous autres. Mais... moi, l'ufologie, je ne suis pas fan de ça. Ce n'est pas mes sujets préférés, mais qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, bon, ben, il y a eu, entre guillemets, des dieux. Puis eux autres, ben, c'est ça. Heureusement que l'être humain est manipulé. Heureusement que l'être humain est subjectif. Parce qu'il n'y en aurait pas de dieu. Il resterait juste des manipulateurs puis des dominateurs. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ouais, mais ça, c'est pour l'hermétisme. Là. C'est par rapport à l'hermétisme. Mais je vais vous dire une affaire. Là. Oui, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais ce qui est en haut est en haut, puis ce qui est en bas est en bas. Hein? L'oiseau manqueur, j'ai un contact Messenger qui prétend être de quoi dans le genre. Elle a un langage très codé à double sens. Bof, c'est divertissant. Je suis pas sûr moi, que ça me divertirait. Parce que les extraterrestres, moi, personnellement, je crois pas à ça. Mais vraiment pas, dans le sens que je crois pas au sens où on nous le vend. Je suis sûr que c'est de la merde. Dans le sens qu'il y ait une humanité qui en domine une autre, ça me paraît plus plausible, puis qu'il y a des connaissances aussi techniques. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est une planète d'esclaves pour exploiter la ressource. Donc, c'est ça. C'est toi qui parles, précise. Tu as d'autres humains dans des univers locaux. Non, dans l'univers local. Je n'ai pas dit des univers. Pas des humains à part sur la planète Terre. Ben oui. Quoi, tu penses-tu que c'est il y a juste ça ici? Voyons. L'être humain, tu penses. On pense vraiment que l'être humain il est apparu de même, là, l'homo habilis, puis toi, t'es mammifère. Non, il était placé là. Tu sais, on n'est pas arrangé qu'il y avait des Asiatiques par là, puis des Noirs là, parce que par là, le soleil se lève, puis par là, il fait chaud. Ça, c'est pas de même, ça marche. Dans le sens que, ben, quand tu aménages une ménagerie, tu fais un zoo, ben, tu veux pas que les lions mangent tes gazelles. Fait que tu fais des enclos. Mais un jour ou l'autre, à un moment donné, bon, en tout cas, Fergus, s'il y a des hommes dans des plans. Ouais. Ben, je veux dire, juste l'univers local, c'est des plans qui se chevauchent à différentes fréquences. Puis en plus, il y a des technologies de ça. Vous changez la vibration d'un objet, là. Vous allez changer sa propriété au niveau d'un plan. Puis ça, comme ça, vous pouvez faire disparaître des choses, vous pouvez matérialiser, dématérialiser des choses. Des êtres qui font l'effort de se matérialiser dans des corps synthétiques, leur peur, c'est justement, si on peut dire, de se faire tuer le temps qu'ils sont là-dedans. Dans le sens qu'après, là, ils sont perdus. En tout cas, là, comment je pourrais dire ça? C'est l'affaire, c'est à étudier, c'est l'aspect fréquentiel de la réalité. Puis, je veux dire, tout est là, là. Je veux dire, ça fait des millénaires qu'on sait tout ça. Prenez le dragon, le symbole du dragon. Bon, vous avez les pattes du dragon, ça c'est le tellurique. Vous avez le corps du dragon qui est un serpent, ça c'est le ondulatoire. Vous avez les ailes du dragon, ça c'est un petit peu le vibratoire. Après, vous avez le feu qui crache le dragon. Là, on va encore un niveau plus subtil. Mais c'est tous ces symboles, c'est tout connu. Pourquoi les Chinois faisaient que le phénix et le dragon sont complémentaires? Puis... Mais le phénix, c'est un oiseau de feu, donc il n'y a pas à cracher, lui. C'est toutes des choses. Le terme est pas adapté. Si un humain est en dehors du plan planétaire, il n'est plus humain. Il devient un être éthérique. Hey, l'homme réel, c'est quoi, tu penses? C'est Joe Blow, esti, qui est avec toi, puis qui se gratte le cul, puis qui se décrotte le nez. Tu penses que l'homme réel qui a servi de modèle aux petites créatures, que l'homme réel, lui, il était en chair et en os. C'est quoi la dent Cadmon? C'est quoi le Pankou? L'homme réel, celui qui est dans l'éther, qui a servi de modèle. Dis donc, oh, non, c'est plus un homme, c'est des êtres éthériques. Hey, allume, tabarnak! C'est nous autres qu'on n'est pas des humains, on est des hosties d'animaux. Chris, c'est ça de la conscience, c'est redevenir humain justement pour qu'il y ait un contact avec justement ce qui est au-delà de la matière. Parce que justement, Chris, on agit comme des animaux. On est complètement conditionné par le biologique. L'homme réel, c'est pas celui qui est dans la matière. Ce qu'il y a dans la matière, c'est des Chris de singes, des anthropoïdes sophistiqués. Pourquoi Bernard, il disait, on n'a même pas le droit de s'appeler des humains encore. Pourquoi il disait ça? Bon, il va falloir que je quitte bientôt avant de me faire un ACV. Ces êtres dans des corps synthétiques pourraient donc vivre plus longtemps. Ben oui, ben surtout que leur moi réel, il chevauche le... Tu sais, je veux dire, même quand tu es décent, bon, ben il reste une partie Je veux dire, même quand il meurt, là, entre guillemets, c'est juste une forme qui meurt. Mais c'est le cas de toutes les formes de mort. La mort, c'est tout le temps une illusion liée à un plan puis à la forme. La mort, c'est l'ultime mensonge. Puis c'est pour ça qu'on vit des vies de mensonge, parce qu'on est sur une planète où ce qui est vivant vit selon les lois de la mort. Alors que la mort, ben, d'une certaine façon, c'est rien qu'une brise de forme. Donc oui, il y a des êtres... ben oui, comme tu dis, des êtres dans des corps synthétiques pourraient donc vivre plus longtemps. Oui, parce qu'un corps synthétique, ton support, il ne sera pas lié aux lois biologiques de dégradation de la matière biologique. Parce que, bon, ben, quand il y a certains êtres qui atteignent un certain niveau de connaissance, ce qu'ils veulent, c'est être immortels. Ça fait partie des pièges, justement, de l'involution. Donc, ils veulent être immortels, ils arrêtent d'évoluer. C'est pour ça et tout qu'ils n'ont pas de savoir, ils ont juste de la connaissance. Ils sont pris là-dedans. Ça fait partie de ce qu'on a appelé l'orgueil. Ben oui, ben c'est ça, précise Asti, au lieu de répondre à moitié sans le contexte, tabarnak, pas besoin de me tomber dessus parce que j'essaie d'éclaircir des aspects. Ben oui, mais c'est comment ça, c'est pas clair. C'est ça, moi, qui me dépasse. Je veux dire, c'est des affaires, ça fait des millénaires qu'on sait ça. C'est la même crise d'histoire tout le temps. C'est les mêmes histoires dans toutes les cultures, dans toutes les époques. C'est la même affaire tout le temps. Tu sais, tu as des êtres, là, eux autres, ils vont se commettre dans l'orgueil. Puis là, ils veulent avoir l'immortalité puis la connaissance. Puis là, bon, il y a une guerre dans les éthers. Puis là, après ça, Lucifer, blablabla. Puis, tu sais, il y a une chute dans la matière. Puis, mais je veux dire, c'est la même histoire tout le temps, c'est tout le temps la même affaire. C'est tout le temps des êtres qui, par orgueil, ils ont voulu le fruit de la connaissance, entre autres, ou ils possèdent le fruit de la connaissance. Mais le problème, c'est que ça va contre les lois de la vie, ils n'évoluent plus. Fait qu'ils chutent dans l'espace-temps. Puis ils deviennent immortels, oui, mais ils ne peuvent plus intégrer de nouveau. Ils sont pris avec leur vieille crise de la même science, tout le temps la même maudite science. Pour ça, puis c'est lié bien gros à la connaissance sur le ondulatoire. C'est ça le serpent. C'est ça, puis ça a tout le temps été le même. Je veux dire, même tout ça dans toutes les cultures, il y a tout le temps le serpent. Puis c'est quoi le serpent? C'est le symbole de la connaissance. Pourquoi c'est le symbole de la connaissance? Ben parce que le serpent, il est ondulatoire puis il est rattaché à une chute dans la matière. C'est un être qui ça dit, tu vas marcher sur ton ventre puis manger de la poussière pour le punir. Mais il reste que, je veux dire, c'est la même affaire qu'on retrouve partout. Après, il y en a qui ont divinisé la connaissance. Puis que là, t'as même les capotés des années 20-30 qui écrivaient des livres ridicules de fantasy médiévale comme Conan le barbare et ces niaiseries-là, même eux autres, ils savaient le serpent, c'était quoi? C'est pas parce que c'était des érudits, c'est parce que c'est l'évidence même. Mais ça, c'est pourquoi le serpent est devenu le symbole de la médecine? Pourquoi c'est pas, je veux dire... Quand quelqu'un était guéri anciennement, il sacrifiait un coq à Esculape, puis il ne sacrifiait pas un serpent. Pourquoi le serpent, le symbole de la connaissance? Pourquoi même dans le vaudou? Même dans le vaudou, la connaissance vient par le serpent. C'est quoi ce petit serpent-là? Bon, pourquoi du monde, ils se pètent des cartoons de reptiliens et tout? Bien évidemment que ce n'est pas des reptiles comme dans les séries de TV. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça, là, c'est plus subtil que ça, parce que c'est des formes archétypales, c'est des... En tout cas... C'est pas trop certain. Il dit, le live, je peux pas regarder jusqu'à la fin. Si, ben oui, mais oui, je vais le garder, mais là, il faut prendre en note l'adresse en haut, parce que là, je t'avais... Je le sais-tu, moi, Chris, comment tu en fous le terme être humain? C'est large et contextuel, comment ça fait des millénaires qu'on sait ça? Mais d'abord, je suis un Christ d'ignorant. C'est pas l'affaire, justement. C'est que, bon, c'est quoi un humain? Toi, te trouves-tu que c'est humain ce qu'on vit? C'est humain ce qu'on vit? Ben oui, ben des fois, moi, je suis pas patient. Je suis vraiment pas patient. Puis, tu sais, je veux dire, Même Bernard, des fois, il y a des affaires qui sont sorties. Puis, bon. T'sais, je vous tue un peu. Mais ça n'a pas été. En tout cas, je vais crisser la hache dans toutes les hosties de serpent. Ben, ça donne à rien. C'est rien qu'un symbole. Je veux dire, c'est pas méchant, un serpent. C'est juste une pauvre bébite. C'est mécanique. Mais c'est ça l'affaire, le côté mécanique, le côté machinal, le côté. Le serpent, c'est comme une machine, un peu. Mais parce que non, je veux dire, les serpents, c'est une bonne créature. C'est pas ce serpent-là. C'est pour ce serpent-là. Si vous regardez l'alphabet hébreu, bon, il y a une lettre qui est fermée. C'est Samek. C'est le son. Il est fermé. C'est la seule lettre qui est comme ça. C'est un serpent qui se mord la queue. C'est symbole par rapport au cycle. Ce qui reste par-delà les cycles, c'est tout le temps évolutif. Parce que l'évolution se fait par là, ce qui se transforme, ce qui est bon. Donc, l'immortalité, c'est la mort. Là, la différence entre l'immortalité et l'éternité, il y en a qui ont voulu être immortels et ont perdu l'éternité. Ils n'auront plus de contact avec. Mais là, c'est pas nous autres que le serpent représente le poison qui tue le poison. Moi, le caducée, moi, le caducée d'Hermès. C'est une autre affaire, ça. Parce que le caducée d'Hermès, bon, ben là, c'est la science. Là, c'est encore la science. Mais là, ça devient encore plus touché parce que là, il y a deux serpents. Pourquoi il y a deux serpents? Si vous regardez les arbres de vie dans le temps des Sumériens, puis c'est quoi ça? Puis ben oui, mais on est fait selon de l'oscillatoire, tout est bâti là-dessus. Tout le vivant, tout le. Puis ceux qui ont la connaissance, ben ils décident, ont décidé d'en faire une science de la domination, puis ils la gardent pour eux autres. Mais du coup, tu perds le savoir. Mais pourquoi le caducée d'Hermès ou même Mercure, on peut parler de Mercure, c'est quoi Mercure? C'est le messager des dieux. Tu sais, je veux dire, c'est tout ça hachure. Oh, ça se peut, je suis en train de capoter. Mais là, je vais falloir, j'y aille. Là. Oui, le pharmacon, poisson et remède. Ben oui, poison. Nous autres, les poissons. Les Anglais ont créé la pelouse pour voir venir les serpents. Les malades, comme dans les Simpsons. Ah, ben oui, c'est une autre affaire, ça, les pelouses. Mais ça existait, les pelouses, bien avant que les Britanniques prennent ça à la mode, parce qu'en Allemagne, c'était une des façons de reposer la vue, c'était de regarder des pelouses. Puis je parle pendant le Moyen-Âge, entre autres, puis bon. Mais non, c'est moi qui hache. Ça doit être parce que je trouve. Plus des dragons, on n'a que des reptiles loin. Là, on ne sait pas. Ah bon. Bon, ben moi aussi, je vais quitter. C'est trop haché. L'OMS, un seul serpent avec la langue qui siffle. Ouais. Ben, c'est le serpent, c'est tout le temps le même serpent. Hein? C'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'ils disent des... C'est quoi l'esprit de rébellion contre l'Éternel? C'est l'immortel. C'est pas pour rien dans les exorcismes. Toi, serpent d'autrefois. Toi, serpent d'autrefois. Puis de toutes les fois, je veux dire, c'est tout le temps la même crise de patente. C'est sûr, c'est éternel. Dans le sens que c'est une lutte éternelle. Fait que ce qui est immortel leur revient. C'est lié à l'âme. Donc, bon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bon, ben, bonsoir, bonjour. Je m'excuse, je dois quitter, là. Il va falloir que. Ben, il n'y a pas de quoi, là. Bonne journée à tout le monde. J'ai pas le choix de quitter parce que, bon, il va falloir que je me nourrisse un jour, là. Je suis debout depuis 6 heures ce matin. J'ai pas encore mangé. Donc, ah, ici, ça ne chauffe pas. Ah, bon. Ça dépend peut-être. Bon, ben, bonne soirée, bonne journée. Arrêtez.